dis-moi pourquoi tes yeux effacent le privilège de ma tristesse en livrant une guerre si lasse à cette blessure qui m'abaisse. Pourquoi ton vol d'amour porte si haut mon île à mer sans se soucier de mon retour vers la vérité de la mer? Toi, ma parole désemparée, toi mon envol sacrifié, toi qui console mon affligé, toi qui survole. Toi ma parole désemparée, toi mon obol sacrifié, toi qui console mon affligé, toi qui suis.